1, écoute le saxo, ouais. 5 majeur, hardcore comme Capcom, on a les balles comme Wayne. Check. Fat comme l'herbe qu'on se moquait, al comme l'air entre estis, des pas de problème, on te colle des quatre molaires entre elles. Tu rêves de chauffer l'antenne d'action frère, un conseil cache ton seum, t'es compte et lâche ton club de bonnet landais. Je me mets hype, petite paille verte, Sky et Ginny, mais Virgin n'a pas le time, vite my check, bye c'est fini. Freestyle de bandit, des balles pleuvent, on brandit les armes vu qu'ils jugent le bénéfice de nos startups qu'on lance illégal. Et je taille des rimes coupe-gorge, un appétit bulldog, je flotte avec trois bouts de ficelle comme un satellite Truskov. C'est vide à la riscousse, je fais flip à la Kim Jong, la maîtrise d'Anakin, doublé d'un phrase et flip vous scotch. J'amène ce groove, mesdames, faites place, j'arrive. Chaque pavé lancé dans la marque et de nouvelles vagues dévastatrices. Récurer les toilettes, ça paye pas, faire la salope. Si on sait que tu fais des passes, je l'ai appris par les gars de ta propre street. J'ai vu les gouttes de sueur sur leur visage, ils sont rouges de peur. On arrive excités comme un groupe de punk. Laissez s'embrasser entre eux, se faire des jolies courbettes. Ils sentent le truc venir, je suis confiant, la bombe est sous le siège. Et yo, je tape sans fin. Je rappe à l'écart de ces pseudo-militants névroses et leur message me gaffe, frangin. Je lâche que mon avis passe, celui qu'on m'a donné. Tu dis que t'es le fils du rap, je dis que la pomme est tombée loin du pommier, trace ton chemin. T'as les idées courtes, entrer dans la légende, mec, on a la motive et les capacités pour rien survaloriser. Mais je doute que nos objectifs en fait, je me dis qu'on pourrait même sûrement fuir. C'est le double, j'attends que le disque sorte. On me demande ce que je fais en attendant, franchement rien. Je ride, je glisse, je flotte, je me force à y aller doucement pour qu'ils puissent comprendre les textes. On s'inscrit dans la durée sans se faire prendre des fesses. Pour maintenant et dans longtemps, on rappera pour les potes, c'est ça. Tu te crois peut-être vrai, mais nous redoublons d'efforts. Ouais, gars, vous ne pouvez pas vous tromper de flow. Les yeux bandés, ne jamais demander là où le fourgon dépose. Tu flippes ? Sans attendre, on assaillera les prods. Mec, c'est la fête, gère tes affaires ou on ramassera le trésor, petit. Y'a pas que les loups qui ont les crocs. On veut changer, peut-être se venger. Et seulement nous trouverons les causes. Je surfe sur la vague et me procure le battement. Car je prends le sable, tranche tel Obi-Wan. Au final, méga le scand. À domicile comme en déplacement, on nique ça façon gorille agile. Donc t'imagines qu'on vise la cible et qu'on a le centre. Dans le mille, je n'en vis rien à qui que ce soit. J'envisage des tracks, sérisse le poil des gars qui se répètent X fois. Je te pique sur des prods de primo. On débarque s'il faut et je crois qu'en rimant, on mérite le prix Nobel en big flow. Je régale niveau technicité, enivrant, flippant dès la première note. En filant, tisant, je t'éclate de bière forte. Stop, trop grisant, pros immense, connivence entre fond et forme. Obligeant la dominance d'une main de maître. Et fais valoir mes convictions. Les tiennes font peine à voir chaque soir. Ma soif de rap fait que je pars en diction. Tu te barricades, flow cannibale, pas de fiction. Préviens ton syndicat, j'arrive tard. Une sorte de Jackie Chan en mission. Tu t'imagines à l'aube d'une ère nouvelle. C'est bien ma génération, celle qui découvre la procréation grâce au 16-9ème. Accroché à l'hameçon envoûté par un air de flûte, tu pèses non. T'as que le bide entouré par les vergetures. À partir de là, je sais pas, dis-moi comment je dois vivre. Tes tentatives putrides pour qu'on t'idolâtre. Nous on vandalise les plans de la ville agités par les gyrophares. C'est fantastique de voir ton rap abîmé par une pile obstacle. Je te fais pas la morale, avocat de ma mauvaise conscience. Parle de courage comme à les buffades en correspondance. Tu kiffes ton rap, tant mieux. Je vais pas chercher des coups, mais je ressens plus d'engouement pour les couplets qu'on fait. Il faut que ma bouche se calme. Afin de rester droit et vivant, faudrait que les oreilles s'ouvrent en évitant les cours de slam. Check le débit, je kick. Et les battements par minute s'emballent, je kill pas les vieux MC. Non, j'attends que la canicule s'en charge. Ya ya ya ya ya. Peut-être que les mecs te mentent et non, y'a pas que les vêtements. Je ne pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Compter les miettes de temps, c'est dans tes temps, mais les mecs se pendent. Cependant, tout le monde s'étend quand c'est le dernier temps mort. Check le bête de gang quand j'entre en transe, c'est le même étrange. Quand j'entends ton tendance dans les têtes de vente, je les traite tout vertement, tonton. Ouais, j'ai la flemme de rentre en plan quand je guette le béton armé. Faut pas dégainer ton arme ou la batte bête bêtement. Je resterai ce temps de mec, mais je sais que j'ai le camp. Si ça transperce, c'est que tu pensais que la batte serait peut-être blanche.